Survient alors la reine, qui leur apprend qu'Ophélia, la sœur de Laërte, vient de périr, noyée. Après l'enterrement d'Ophélia, se déroule le duel entre Hamlet et Laërte, en présence du roi et de la reine. Hamlet touche deux fois Laërte, et le roi lui propose de boire à la coupe empoisonnée. Mais Hamlet refuse, alors que sa mère boit une gorgée. Le combat continue, et Laërte touche une fois Hamlet de son épée empoisonnée. Ils tombent au sol, et sans s'en rendre compte, échangent leurs épées. Alors que le combat a repris, la reine tombe et meurt, empoisonnée. Tandis qu'Hamlet, ayant touché Laërte avec son épée, l'empoisonne à son tour. Avant de mourir, Laërte accuse publiquement le roi de tous ses malheurs. Puis Hamlet attaque le roi et l'oblige à boire dans la coupe empoisonnée. Puis, avant de mourir également, Hamlet nomme à la tête du Danemark le neveu du roi de Norvège. À son arrivée, ce prince norvégien demande que les honneurs soient rendus à Hamlet en le considérant comme un soldat de sang royal.